Bonjour mes frères et sœurs, et je suis de retour de Val-d'Or et j'arrive hier, je suis arrivé hier et ce fut une fin de semaine remplie de joie avec les frères et sœurs de Val-d'Or. Ce matin, nous allons continuer l'étude de ce qu'on avait commencé hier, vers les nations, et nous voyons le premier païen à entrer dans le royaume de Dieu de façon officielle. Et encore une fois, nous allons avoir, comme on a eu sur les Samaritains, nous allons avoir des choses spéciales qui vont se passer, parce que nous marquons l'entrée des premiers païens dans l'Église. On a vu ensemble des choses spéciales, acte 2, quand les Juifs sont entrés, des choses spéciales quand les Samaritains sont entrés. Maintenant, nous voyons des choses spéciales quand les premiers païens vont entrer. Et je vous encourage à ne pas prendre les choses spéciales pour la norme. Souvent, on fait l'erreur et on veut appliquer à tous les croyants de tous les temps la même chose qui est arrivée dans certaines choses spéciales. On disait, chaque règle a ses exceptions, ou l'exception confirme la règle. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin avec l'arrivée de Corneille, qui s'est faite d'une façon bien spectaculaire et bien étrange jusqu'à certains points. Mais nous allons commencer par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes courbés en ta présence parce que c'est notre place de serviteur. C'est notre place de créature, c'est notre place d'enfant, d'être aux pieds du Père, aux pieds du Maître, aux pieds du Créateur. Nous te demandons que tu puisses, par ton Esprit Saint, nous faire comprendre, encore une fois, le grand privilège que nous avons de te connaître, de pouvoir te servir, de pouvoir t'adorer. Aide-nous à bien comprendre ce qui se passe dans ce chapitre 10, afin de bien saisir l'ampleur de ton plan merveilleux. Au nom de Jésus, Amen. Donc, si je résume un petit peu, nous avons hier entré dans cette dernière phase, si je peux appeler ça de même, de l'accomplissement de la prophétie de Jésus au chapitre 1, Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités du monde. Et hier, nous avons vu que Pierre a eu une visite de personnes qui venaient de Joppé, envoyées par un centenier appelé Corneille, et ce centenier-là avait eu une vision d'un ange qui lui disait « Va chercher l'apôtre Pierre, qui se trouve à Joppé. » Et Corneille prend ses deux serviteurs et un soldat et il les envoie chez Simon le corroyeur afin d'amener Pierre. Et nous allons voir que pendant ce temps, Dieu continue à œuvrer. On a vu qu'il a dirigé Pierre tranquillement vers Joppé. Il a parlé à Corneille à travers une vision. Et pendant que ses serviteurs s'en vont vers Joppé, Dieu va s'adresser à Pierre d'une façon beaucoup plus directe et beaucoup plus convaincante. Parce qu'il faut bien comprendre qu'entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de relation. C'est très difficile, vous allez le voir, mais qu'on lise ensemble ce chapitre-là. Et même après cela, ça a toujours été difficile, cette harmonie entre les deux. Même on retrouve dans l'Épître aux Éphésiens, Paul qui parle encore de ce nouvel homme créé à partir de Juifs et de non-Juifs. Ça subsistait pendant longtemps, ce dilemme, parce que les Juifs pensaient, croyaient, qu'ils étaient le peuple spécial de Dieu, Mais dans l'Église, il n'y a pas de peuple spécial. Il y a seulement le peuple de Dieu composé de toutes les nations du monde. Donc, lisons ensemble, pendant que ces trois amis de Cornelius s'en viennent à Joppé, regardons ce qui se passe à Joppé. Chapitre 10, verset 9. Le lendemain, comme il, c'est les trois serviteurs, était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre montait sur le toit, vers la sixième heure, pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient mis en quête de la maison de Simon et se présentèrent à la porte. Et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Dieu ici donne une vision à Pierre, afin que Pierre accepte d'aller avec les païens, chez un païen qui est Corneille, et parce qu'il ne serait pas allé. Et vous allez voir, il va aller, il va revenir, et on va voir au chapitre 11, il va se faire sermonner, disputer, chicaner par les chrétiens de l'Église de Jérusalem. C'était pas la coutume. C'était même quelque chose qui était impur pour eux, de fréquenter des non-juifs. Mais pendant qu'il était en extase, qui veut dire un genre de transe ou de vision, il voit une nappe avec des animaux impurs. Ces animaux-là n'étaient pas permis de manger pour les Juifs. C'était considéré comme impur. Mais la voix du ciel, la voix de Dieu, lui dit de tuer et de manger. Pierre s'objecte un petit peu et dit, « Non, Seigneur, j'ai jamais rien mangé d'impur. » Et ce que je déclare pur, tu devrais le déclarer toi aussi pur. Et ça l'arrive trois fois. Ça l'arrive trois fois. Pierre ne sait pas trop pourquoi Dieu lui montre ça. Il ne sait pas trop comment comprendre cette vision-là. Il va avoir la réponse bientôt. Donc, nous allons continuer à lire, si vous voulez bien, à partir du verset 18. Excusez, 19. Comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc descendit et dit à ces hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, mon ami, moi aussi je suis un homme. » Et, conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger et d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne pas regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc quelqu'un à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé quelqu'un vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Donc, Simon a l'explication de sa vision. Il doit accepter les païens comme non souillés, comme étant non rejetés par Dieu, comme étant acceptés, ayant la possibilité d'entrer parmi le peuple de Dieu. Il lui-même dit, « Je n'ai pas eu d'objection à venir. » Parce que Dieu m'a montré à regarder aucun homme comme souillé et impur. Pierre dit, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les non-Juifs. Dieu me l'a montré dans une vision. Tous sont égaux devant lui. Donc Pierre, en arrivant chez Corneille, il trouve une maison bien pleine et il est content de ce qu'il comprend la vision. Et Corneille lui demande, « Dis-nous ce que Dieu t'a dit de nous dire. » Remarquons bien ce que Pierre va dire. « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint, qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Et après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparaisse, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Voici ce que Pierre a dit à Corneille. Et je vois que Dieu ne fait pas de favoritisme envers qui que ce soit, ou envers quelque peuple que ce soit. Les Juifs ne sont pas favoris dans cette histoire-là. Et là, il leur parle de la personne de Jésus. Rappelons-nous cela quand nous allons emmener la bonne parole aux gens. Parlons de Jésus et du Seigneur notre Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Que Jésus a été envoyé par Dieu. Il dit, il a envoyé Dieu la parole aux fils en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Donc Dieu annonce la paix aux hommes de toutes les nations du monde par Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va parler à tout le monde, mais il annonce la paix par la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous les hommes. Et là, pour démontrer cela, pour prouver cela, pour donner pour appuyer son dire, au verset 37, il dit, « Vous savez, probablement qu'ils ont entendu parler comme tout le monde, qu'il a commencé en Galilée. Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force, ce Jésus. Il allait en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient soumis à l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Donc, il démontre que c'est Dieu qui l'a envoyé, il démontre que c'est Dieu qui était avec lui, et il démontre que c'est l'Esprit Saint qui était avec lui pour lui donner la force qu'il avait besoin pour accomplir le ministère qu'il avait à faire. Donc, ce Dieu trinitaire, il dit, était ensemble. Jésus n'était pas un imposteur, comme disent les chefs juifs. Jésus n'était pas un rebelle, comme disaient les Romains. C'était l'envoyé de Dieu. Il dit, nous sommes témoins que les Juifs l'ont tué. Mais nous sommes témoins que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et il nous est apparu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui. Donc les apparitions sont une preuve que Jésus est bien ressuscité. Et l'apôtre Paul va ramener cet argument au chapitre 15 dans Corinthiens. Parce que les Corinthiens avaient de la misère à croire la résurrection, il dit qu'il est apparu à plus de 500, aux apôtres et à plusieurs autres. Les apparitions sont une preuve de la résurrection de Jésus. Il dit, « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. » Et là, il dit, « Et tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Regardons maintenant le résultat de tout cela. Lisons à partir du verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, le résultat de cela, pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils se sont mis à parler en langue et à glorifier Dieu. Et ceci a convaincu Pierre, les Juifs qui avaient accompagné Pierre, que Jésus, ou que Dieu, avait donné le Saint-Esprit à ces hommes-là et à ces femmes-là qui étaient là. C'était le signe que les païens entraient dans l'Alliance, dans la Nouvelle Alliance, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, au même titre qu'eux, sans exception, sans favoritisme. Comment? Il dit, aussi bien que nous. Donc, Pierre se souvient de ce qui s'était passé, que les autres aussi avaient parlé en langue. Pierre se souvient aussi peut-être que les Samaritains avaient reçu de parler en langue. Ici, Corneille parle en langue. Et ceci dit à Pierre, bon, Dieu accepte dans son peuple maintenant, lui aussi les païens, au même titre que nous, les Juifs. Il dit, peut-on refuser le baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Mais la réponse est non, hein? Et ils les ont baptisés. Voyez-vous ici, c'est spécial. La nappe qui descend pour montrer que Dieu veut aussi entrer les païens dans l'Alliance. Les visions, vision de Corneille, vision de Pierre. Et ici, encore une fois, il y a du spécial. Le Saint-Esprit qui vient avant, cette fois-là, le baptême. Parce que s'il n'y avait pas eu cette exception, parce que je crois que c'est une exception, du Saint-Esprit avant le baptême, Pierre aurait probablement refusé, ou les autres disciples avec, qui n'avaient pas eu la vision, eux autres, auraient probablement trouvé ça très difficile d'accepter des baptisés. C'est pour ça qu'il dit au verset, « Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? » La réponse est non. Mais s'il ne l'avait pas reçu comme nous au début, je me demande qu'est-ce qui serait passé. Même s'il avait vu la nappe, ça aurait été difficile. Donc, ne prenons pas l'exception pour la règle. Notre Père du ciel, nous sommes contents de voir Corneille et son groupe d'amis entrer dans la Nouvelle Alliance en tant que païens, au même titre que les Juifs, au même titre que les Samaritains, au même titre que l'Eunuque, l'Éthiopien. Et ça nous renforce dans notre foi que nous sommes, nous aussi, acceptés sans aucune chose en moins que les Juifs. Et nous sommes convaincus que nous aussi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et tout cela à cause de ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.